Et on est toujours avec Christian Indermüller, Thibaut Walter et Alain Berset pour parler de Sound and Sentiment. Moi, j'avais une question concernant l'auteur est resté jusque dans les années 2000, jusqu'en 2000, plus ou moins en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec cette population. Mais donc, il a sûrement dû voir aussi une évolution due au capitalisme, à l'arrivée du monde moderne, de l'industrialisation, du tourisme, qui, à mon avis, a dû aussi saturer d'une certaine façon l'espace sonore et changer aussi la façon dont les locaux vivaient. Et est-ce que c'est quelque chose qu'il évoque ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans ce texte ou dans des écrits qu'il aurait... Par ailleurs, et qu'est-ce qui reste de cette tradition aujourd'hui, quoi? Stephen Feld, il a été dans les années, il a préparé son voyage dans les années 1975, puis ensuite il a fait un terrain jusque, quoi, il a fini son écrit vers 79, puis il l'a publié en 82, mais il faisait des allers-retours, hein, à chaque fois. Donc il allait une grande période sur le terrain, il revenait, tout ça, jusque dans les années 2000, effectivement. Puis, il y a un truc assez drôle, c'est que quand on lui a redemandé de faire la réédition, plusieurs fois, il y a, je crois, jusqu'à 3 rééditions du livre, à chaque fois, il augmente l'édition, la nouvelle édition, de commentaires plus contemporains. Et puis, du coup, dans la dernière, je crois, il raconte vraiment cette histoire. Il dit, bah voilà, les gens dont on est en train de parler dans ce bouquin, c'est des gens que j'ai rencontrés dans les années, fin des années 70. Pour la plupart, ils ne sont plus vivants. C'est peut-être, on peut peut-être les entendre dans le chant des oiseaux là-bas, mais en tout cas, ils sont plus visibles et vivants. Le truc, c'est que il évoque qu'il y a eu un premier moment de missionnaires dans les années 60, où déjà avant son arrivée, il y a eu des grands mouvements d'évangélisation dans cette région, et puis que du coup, avant même qu'il arrive, il y avait déjà une production de textes identitaires des Kalouli, ou en tout cas d'un discours qui disait, mais en fait, on est qui ? Et donc, du coup, réaction à ces mouvements d'évangélisation qui ont poussé les Kalouli à se dire, mais en fait, on est qui par rapport à ce qu'on veut qu'on devienne. Et lui, il arrive, il documente une partie qui est sur quelques années. Mais ensuite, son bouquin lui-même a fait qu'il y a pas mal de gens qui se sont intéressés à cette région. Et puis, du coup, il y a un certain tourisme anthropologique aussi qui s'est créé. Et il sait bien que son livre aussi a joué un rôle. Il en est très conscient, à la fois positif et négatif. Négatif parce que tout d'un coup, il y a de plus en plus de gens, mais cette région a subi de lourdes conséquences de capitalisation, etc. Je ne sais pas si vous pouvez regarder, il y a des pubs Esso d'essence aujourd'hui avec des images de là-bas. Et en même temps positif, parce que dans ce mouvement de disparition, le livre joue un rôle de mémoire, en tout cas, orienté, braqué, mais de mémoire pour des générations futures qui apprennent les mythes de leurs grands-parents par son livre. Donc, qui perpétue en fait cette culture qui est complètement en train de disparaître. Moi, j'avais envie de revenir aussi sur votre processus de travail à vous trois. Retourner le micro vers Alain aussi. Comment toi tu te retrouves avec cette proposition d'éditer ce livre et comment vous commencez le travail ensemble? Voilà, moi c'est souvent un long processus quand il s'agit de traduction, puisque ça nécessite et occasionne pas mal d'échanges. Et puis tout ça se développe sur donc parfois une année ou deux ou plus. C'est la première chose. Parallèlement, il faut trouver des fonds, ce qui n'est pas si simple parfois. Et puis, il y a une chose à laquelle je pensais maintenant, c'est que tout au long des discussions, on se rend compte aussi à quel point le livre, en fait, il est transversal. Ça veut dire qu'il touche à la fois les anthropologues, mais les science studies, et pourquoi pas les musiciens, enfin, etc. Puis parfois, cette absence de ce sujet qui est justement transversal ou qui répond pas à une thématique propre est beaucoup plus difficile c'est des livres qui ont parfois du mal à trouver leur place en librairie parce qu'on se retrouve avec des mots sources. Et ça, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé avant tout à l'heure. Mais il n'y a pas en librairie, par exemple, il n'y a pas de lieu pour les livres sound study. Il pourrait y avoir éventuellement, enfin, en tout cas, dans la plupart des librairies, il pourrait y avoir... un rayonnage, un rayon musique, mais en général, c'est quand même des choses plutôt très ouvertes ou qui concernent le rock ou la variété, enfin, etc. Mais voilà. Puis ça, c'est une chose à laquelle j'ai pensé justement. Mais je me disais, tiens, est-ce que la production, j'ai l'impression que la production en sound study a augmenté beaucoup quand même, en tout cas en anglais. Maintenant, je me rends pas compte en traduction. Mais il me semble que c'est une chose qui... Puis alors après, il y a aussi une chose, c'est qu'on pourrait mettre ça en écologie, admettons. Enfin, s'il y a une écologie du son. J'ai l'impression que la thématique du son est de mieux en mieux documentée. Mais en librairie, n'a pas encore sa place. Voilà, c'est sûr. J'ai vraiment... vraiment là, après, en écologie, je pense que ça pourrait rentrer. Par exemple... Il y a des collections, par exemple chez Actes Sud ou autres, entièrement dévolues à cette question d'écoute des oiseaux ou des animaux, que ce soit le pistage ou autre. Et puis du coup, je pense qu'il y a c'est plutôt sous cette veine-là que des choses, des objets hybrides comme ça pourraient trouver leur place. Mais la production d'études culturelles du son, en expansion, mais surtout dans le monde anglophone, très peu traduite. Et au sein des éditions Aérolimite, comment ce livre trouve sa place justement ? Voilà, justement, il est entre plusieurs auteurs, on pourrait dire. D'une part, parce qu'on a déjà travaillé ensemble avec Thibaut et Christian. Donc, il y a un livre de Lucier, malgré tout, qui était fait, même si ça touche un autre champ. De réflexion, c'est quand même lié à la question du son, mais c'est bien que c'est tout à fait autre chose. Le livre de Cage, par exemple, les livres de Cage avec Vincent, qui existent, qui ont été faits. Et puis, pour moi, il y a aussi une collection qui s'appelle Géographie, qui est pas si bien délimitée, mais en tout cas qui retrace ou qui parle souvent de territoire ou du lien entre l'être humain qui habite en territoire précis et, dans ce sens-là, un livre de Jaime de Angulo, qui était, lui, un musicologue et puis qui s'est beaucoup intéressé aux Indiens de Californie et qui a écrit un livre qui s'appelle « Indiens, un bleu de travail » qui a paru aux éditions il y a un certain nombre d'années maintenant et qui, par un tout autre... toute autre manière de dire, touche un peu au même, touche différemment, mais à la question de la langue, à la question de la disparition de la langue de peuples autochtones, en quelque sorte. Et voilà, donc il y a quand même, j'ai l'impression, ce livre, pour moi, s'inscrivait parfaitement dans le catalogue parce que il répondait à un certain nombre de préoccupations ou de une poétique aussi, en esprit, voilà. Et donc c'est vous, Thibaut et Christian, qui êtes venus vers Alain par rapport à ce projet. Enfin, comment ça s'est déroulé pour que vous tourniez, enfin que vous collaboriez avec les éditions Aérolimite. Et puis peut-être justement parler un peu de Ripponoff aussi. Ouais. Alors c'est à la suite de la traduction de musique 109, justement des notes sur la musique expérimentale d'Alvin Lucier qu'on a sorti chez Eurolimit, que tout d'un coup on s'est dit, mais on avait traduit ça Christian, Vincent, Barras et moi, puis du coup c'était tellement incroyable en fait cette aventure de traduction qu'on avait envie de continuer, et c'est Christian qui a proposé le Stevenfeld pour continuer cette aventure de traduction sur des ouvrages importants. Et puis nous, ça nous permettait aussi de travailler avec Alain et Vincent en sortant de ce qu'on fait effectivement, en continuant en parallèle notre travail de traduction et d'édition avec Ripponov. Mais ça permettait, disons, de prendre un objet différent, peut-être un peu plus ambitieux aussi que ce qu'on traduit désormais habituellement avec Ripponov, sur un objet qui prend, disons, plusieurs années de travail, mais qui, par sa lenteur, nous permet aussi de créer tout un système d'écho avec les choses qu'on fait par ailleurs, nos activités d'enseignement, les activités artistiques qu'on déploie. Et du coup, ça nous semblait une bonne manière de refaire communauté autour de ce nouvel objet. Communauté qui est toujours liée à des... qui crée des systèmes d'écho qui nous sont à chaque fois propres, parce qu'on a ces différences d'écoute, justement, ces différences de perspective. Je donne juste un exemple avec le titre, parce qu'on a parlé de son et sentiment, Sound and Sentiment. On s'est demandé comment est-ce qu'on va traduire ce titre, qu'est-ce qu'il veut dire, au fond, Stevenfeld, quand il dit Sound and Sentiment. Et puis, pour vous donner juste un aperçu, moi, spontanément, quand j'ai vu ce titre pour la première fois, la première chose que j'ai vue, c'était Sound and Fury. Je me suis dit, c'est effectivement un monde du deuil qui fait référence à... cet univers faulknerien, shakespearien, de l'écoute impossible, aux marges, aux lisières de la folie. Et puis Vincent, spontanément, lui, c'était Reason and Sentiment, c'est-à-dire immédiatement une autre manière de penser la raison, de l'entendre autrement et par les sons. Et puis, nos problèmes, pour traduire des mots tout simples, hein, comme « weeping », « pleurer », « se lamenter », « le chagrin ». Et voilà, ça, à chaque fois, ça ouvre pour nous des mondes d'écho et de résonance. Et puis, quand on traduit seul, parce qu'on a aussi ces expériences en traduction, d'être avec le texte, on est souvent, on fait des choix, et puis ces choix, on peut en être content ou pas, mais quand on le fait de manière collective avec Ripponov, c'est ça qu'on fait depuis le début, on s'est rendu compte, en fait, ça nous enrichissait énormément, beaucoup plus que simplement traduire, que simplement écrire, que simplement lire, qu'il y avait dans tout ce processus de discussion, en repassant sur les systèmes d'écoute et les manières d'écouter des autres, et de partager des manières d'écouter, on parvenait en fait à enrichir nos compréhensions de ces artistes, nos compréhensions de ces moments culturels importants, et puis que c'était au fond ça qui nous guidait plus que simplement faire un livre, mais qu'il y avait en fait un vrai processus d'enrichissement à plusieurs par le fait de faire communauté autour de tels projets. Cette communauté, on peut l'élargir maintenant. Son et sentiment ou bruit et sentiment ? Du coup, le titre, on n'est pas d'accord sur le titre. Qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je me demandais pourquoi pas musique et sentiment en plus. Musique et sentiment ? Il rajoute. Non, mais c'était en fait une question que j'ai depuis longtemps, mais j'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'évidence. Mais en même temps, il y a des partitions, on parle de hauteur apparemment. Et on parle de chant, en quelque sorte. On parle des oiseaux qui chantent, même si c'est une erreur, peut-être. Mais en tout cas, ça pose cette question. Et je me demandais si ça, c'était abordé dans le livre, en fait, la question du rapport entre le son et la musique, qui est un grand chant, mais... D'autant plus que, précisément avec le jazz, comme au fond, il n'est jamais abordé de manière directe, mais on voit bien que c'est le système d'écho qui se trouve derrière tout le livre. Alors peut-être jazz et sentiments, je ne sais pas. Ah, voilà. Mais moi, ça me fait me poser une question aussi, c'est comment se fait-il qu'un livre dont la première édition est sortie en 82, vous disiez, soit pris et traduit seulement aujourd'hui, en français en tout cas. En français, ça c'est une question... Parce qu'il est traduit très bien en italien. Alors comment ils ont traduit ça en italien? Sono, je crois. Ça, je le dis avec un accent affreux, mais c'est son sentiment. En japonais aussi. C'est aussi la littération, en fait, ce sifflement, ce double sifflement qui était considéré comme intéressant, cette double sifflante pour commencer l'écoute. C'est toujours un intérêt. Et donc, pour revenir sur le fait qu'il n'a pas été traduit en français actuellement, vous avez des pistes de réponse ou... Il n'a pas... J'ai l'impression que c'est un peu des concours de circonstances. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les Italiens traduisent énormément. Je pense que les Japonais aussi. Et puis après, il y a des intérêts aussi. Peut-être plus... Je suis surpris que, effectivement, ça n'existe pas en Allemagne. Mais néanmoins, c'est vraiment des concours de circonstances. D'où l'importance, je crois, que les chercheurs traduisent. C'est pas toujours le cas. Hein. Souvent, les traducteurs sont appelés à traduire par les éditeurs ou des agences littéraires ou que sais-je. Ouais. Mais le fait que des chercheurs traduisent, forcément, ça doit élargir aussi le spectre des connaissances sur un sujet, enfin sur un fond. Parce que c'est des livres que vous avez toujours et eu autour de vous et puis que finalement vous dites il faut les transmettre. Et ça, c'est aussi une chose que je trouve très belle dans ces échanges, c'est qu'effectivement, il y a une volonté de transmission aussi, de votre part, qui est on veut mettre ce texte à disposition. Et je pense que pour le champ francophone des études culturelles du son, le fait qu'il manque a des conséquences aussi. Évidemment. Les chercheurs, chercheuses lisent l'anglais, etc. Puis évidemment, c'est une évidence, ça, on a un sentiment qu'il existe, et puis il n'y a pas besoin de... Mais quand même, le fait que Murray Schafer ait été très vite traduit en français, ou en tout cas qui circule énormément, je pense que ça a des conséquences sur la manière dont on se réfère, qu'on discute du son d'un point de vue culturel, etc. Et puis je pense que l'anthropologie française a besoin de ce livre. Et puis dans la discussion culturelle plus générale sur le son dans le paysage français et francophone, il est nécessaire. Et alors j'ai une dernière petite question avant que l'on retrouve Patrice Caillé pour son objet singulier. C'est tout simplement... Où est-ce que vous en êtes de ce travail? Quand est-ce que le livre sera en librairie? Et quand est-ce qu'on pourra le découvrir en français? En principe, l'année prochaine. Et on va faire donc tout ce qu'on peut pour réunir les fonds. Donc c'est un appel. Oui, c'est clair. On ne vient pas de recevoir des réponses négatives de la loterie romande vaudoise. Et donc, nous... Nous continuons donc à faire des démarches, mais qui vont aboutir à coup sûr et normalement au printemps, dès que possible. Donc au printemps 2023. Au printemps 2023, ouais. On l'espère. Merci beaucoup Christian, Thibault et Alain d'être venus nous parler de ce livre et de votre travail de traduction. Puis on se réjouit de le lire très bientôt. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Super. Merci.